الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، et avant de poursuivre dans la traduction de cette conférence, j'aimerais rappeler à nos frères et sœurs qui vivent en France vu la situation actuelle qu'ils sont en train de vivre avec les attentats qui ont été commis ou qui ont été perpétrés ces derniers jours. Donc j'aimerais rappeler à mes frères et sœurs le devoir de patienter et d'endurer et de supporter ces épreuves. Car la tension envers les musulmans augmente ces derniers jours. Et la situation est très compliquée. Beaucoup se font insulter, provoquer, ou alors on les regarde mal. Et dans certains cas même, des frères, des sœurs et des mosquées ont été victimes d'assauts lancés contre eux. Donc, dans cette situation, qui est une situation de fitna, je recommande à mes frères et sœurs de patienter et d'endurer cette épreuve et de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de les préserver et de les sauver de cette situation. Et également, je recommande aux frères et sœurs, et plus particulièrement aux sœurs, de rester au maximum chez eux. Et lorsqu'ils sortent, d'éviter de sortir seuls et d'éviter de sortir loin de leur foyer, de leur maison. Et d'éviter au maximum les endroits de regroupement de non-musulmans. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de préserver la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en France et ailleurs. Et ceci... Cette épreuve par laquelle nos frères et sœurs sont en train de passer en France nous prouve une fois de plus l'obligation d'émigrer et de quitter cette terre dans laquelle ils ne peuvent pratiquer leur religion, dans laquelle ils ne peuvent exposer leur religion, dans laquelle ils ne peuvent s'éduquer et éduquer leurs enfants conformément aux lois de l'islam. Ceci est un rappel pour tous que ce ne sont pas des pays dans lesquels nous devons rester. Et que celui qui en a les moyens émigre vers une terre d'islam où il pourra pratiquer sa religion sans craindre les représailles de quiconque ou les insultes de quiconque. Et je rappelle à mes frères et sœurs qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit à la fin de la sourate Al-Mutaffifin, les fraudeurs, la sourate numéro 83, Allah subhanahu wa ta'ala dit: Innal ladhina ajramu kanu min alladhina amanu yadhakun wa idha marru bihim yataghamazun wa idha anqalabu ila ahlihim anqalabu fakihin wa idha ra'awhum qalu inna ha'ula'i ladallun wa ma ursilu 'alayhim hafidhin فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. Allah subhanahu wa ta'ala dit, dans la traduction rapprochée du sens des versets, les criminels, c'est-à-dire les mécréants, riaient de ceux qui croient, et passant près d'eux, ils se faisaient des œillades. Et retournant dans leur famille, ils retournaient en plaisantant. Et les voyant, ils disaient: ce sont vraiment ceux-là les égarés. Or, ils n'ont pas été envoyés pour être leurs gardiens. Aujourd'hui donc, ce sont ceux qui ont cru qui rient des infidèles. Sur les divans, ils regardent: est-ce que les infidèles, est-ce que les mécréants ont eu la récompense de ce qu'ils faisaient? Donc quoi qu'il arrive, même si le musulman est éprouvé sur cette terre et que l'on se moque de lui et qu'on l'insulte et qu'on le rabaisse, qu'il sache, ô musulman, ô frère musulman, ô sœur musulmane, sachez que si justice n'est pas faite sur terre, elle sera faite dans l'au-delà auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc supportez les épreuves, supportez les moqueries, supportez les insultes, et ne rendez pas le mal par le mal. Ne rendez pas le mal par le mal, mais patientez et endurez, tout comme les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout comme le prophète et ses compagnons ont enduré les épreuves lorsqu'ils étaient à la Mecque et qu'ils étaient persécutés par les polythéistes. Et que les polythéistes se moquaient d'eux et les insultaient et les persécutaient et les agressaient. Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné aux croyants, dans cette période-là, d'endurer les épreuves et de ne pas riposter. Car il n'y avait aucun intérêt à riposter à ce moment-là. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et les compagnons ont vécu pire que ce que nous vivons actuellement. Et ils ont patienté et enduré jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné la victoire sur leur ennemi. Et nous, en tant que musulmans, à cette époque, et qui essayons de suivre la voix des pieux prédécesseurs, la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des compagnons radiallahu anhum, et de ceux qui les ont suivis convenablement parmi les meilleures générations, nous devons patienter également. Et nous espérons qu'Allah subhanahu wa ta'ala guidera les non-musulmans à l'islam. qu'ils comprendront que cette religion est la seule religion qui garantit à l'être humain le bonheur et la sérénité sur terre et dans l'au-delà. Car nous, les musulmans, nous ne cherchons pas le mal pour l'humanité. Mais nous voulons pour eux tous, nous voulons pour eux tous la guider et le bonheur afin qu'ils obtiennent la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala leur permettant d'entrer au paradis.